C'est une fille que j'ai vue dans un studio porno. Elle était chargée de nettoyer les plateaux. J'ai pu lui parler pendant une soirée furie. Elle m'a raconté sa vie qui avait l'air triste. J'aimerais tant un jour lui rendre le sourire. J'aimerais bien pour une fois la voir rire. Elle a des poils noirs mais elle a une âme de lumière, je le sais. C'était une fille chouette, elle s'appelait Darka. À ZZ Studio, j'ai pris son numéro. Je l'ai appelée le soir, elle n'allait vraiment pas. Je l'ai emmenée à Winnie Burger et je lui ai remonté le moral. J'aimerais tant un jour lui rendre le sourire. J'aimerais bien pour une fois la voir rire. Elle a des poils noirs mais elle a une âme de lumière, je le sais. C'était une fille chouette, elle s'appelait Darka. J'aimerais tant un jour lui rendre le sourire. J'aimerais bien pour une fois la voir rire. Elle a des poils noirs mais elle a une âme de lumière, je le sais. C'était une fille chouette, c'était une fille chouette. Elle s'appelait Darka. Elle s'appelait Darka. Elle s'appelait Darka. Elle s'appelait Darka.